cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir de cette risala, usul al-da'wati al-salafiyya, li Sheikh Abdussalam, rahmatullah alayhi. On a étudié ensemble al-aslu al-awwal, le premier fondement. Fama hu? Ahsant. Al-inayatu bil-ilm. Fal-inaya, ay faire des efforts fi hadha al-bab, que ça soit la lecture, que ça soit les doros, que ça soit la mémorisation. Et l'ilm, c'est quoi? Si on se pose la question, c'est quoi l'ilm al-shar'i? Indak. Naam. L'ilm, c'est ma ja'a fi kitab Allahi azza wa jal, wa fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'ilm. L'ilm, c'est qala Allah, qala al-rasul. Bien sûr, à la fahmi al-sahaba, radiyallahu anhum. Fal'inaya bi hadha l'ilm. On ne perd pas notre temps dans des choses futiles qui vont nous écarter de hadha l'ilm. Et hadha l'ilm, il y a une méthodologie pour l'apprendre et le comprendre. On a lu kalam al-Sheikh Sa'di, rahmatullah alayhi. Ce premier asl, il est important. Pourquoi Cheikh Abdussalam, rahmatullah alayhi, il a cité هذا الاصل اولا. تفضل. نعم, لان هذا المنهج العظيم, il est fondé sur l'ilm. Tout ce qui viendra après comme fondement, la base c'est l'ilm. كما قال جل وعلا فعلم انه لا اله الا الله. Deux choses à bien qu'il faut bien comprendre هنا. Et on l'a cité dans le premier dars, il y a une façon pour apprendre. Tu n'apprends pas l'ilm comme tu veux. Là, les ulama, ils ont écrit des livres, walillahil hamd. Les ulama, ils ont démontré comment étudier l'ilm. Pour celui qui veut avancer, ne pas perdre de temps. Kadhalik, deuxième chose, s'écarter de certaines choses qui vont te faire du mal. من الجدال ومن الرياء l'ostentation, la polémique, قيل وقال, les fitan, beaucoup de choses qui t'écartent du ilm. الدunya, faire attention. الدunya, ne pas oublier هذا العلم. Ces deux choses, c'est important. Celui qui a ces deux choses, il sait comment étudier et s'écarte des choses qui lui feront du mal, tout ça, et il est sincère, mukhlis, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq wa sadad, il avancera fil ilm. À son niveau. Certains frères, ils avancent vite. Certains frères, ils avancent moins vite. Certains frères, ils avancent très doucement. Lakin, al-kul, ils sont à la khayr. Léanna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man salaka tariqan yaltamisu vihi ilman sahalallahu lahu vihi tariqan ilal jannah. Celui qui emprunte ce chemin, al-ilm, et il fait des efforts, fil haqiqa, c'est un chemin, c'est une voie qui mène à l'Jannah. Et c'est ça le but de chacun d'entre nous. Inch'Allah ta'ala. Qala rahmatullah alayhi al-aslu thani, deuxième base, deuxième fondement. Al-hirsu ala al-tatbiq al-ilmi al-amali lil-islam. Et c'est lié avec le premier fondement. Al-hirs ala al-tatbiq al-amali. L'importance de l'ilm, c'est essentiel d'avoir des connaissances. Fil aqida, fil tawhid, fil fiqh, fil mu'amalat. Il y a des choses, c'est obligatoire pour tout le monde. Il y a des choses, c'est obligatoire pour certains de la umma. Et celui qui fait des efforts fil ilm, kadhali qui fait des efforts fil amal. Hada al-asl al-thani, c'est al-thamara, du premier. Le premier, c'est la base. Le deuxième fondement, l'an, c'est le fruit. Li anna ilmun bila amal, c'est une hujja ala sahibihi. Comme qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Al-Qur'an, c'est imma pour toi, imma contre toi, yawm al-qiyamah. C'est pour celui qui l'a appris sincèrement et il a appliqué autant qu'il pouvait, c'est une hujja pour lui. Et celui qui a appris ce Qur'an lakin pour les gens et la ya'mal bih, Fayyum Qiyama, c'est contre lui. Il savait et il n'a pas appliqué. C'est ça l'essentiel fil ilm. Ça nous montre que l'ilm, c'est pas al-kathra. Faire des efforts pour avoir beaucoup de ilm. Seulement. Faire des efforts pour avoir beaucoup de ilm, c'est tayyib si l'amal y suit. Mais le but, c'est beaucoup de ilm. Et ne pas donner d'importance à l'amal, et ne pas œuvrer. Et ni être chance, c'est même pas d'appliquer. Ayyadam billah, ça c'est très très grave. قال الشيخ عبد السلام هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه أيضا يحرص على القيام به قصص والواجبات والنوافل. S'il a appris une chose, fait hirs, il fait des efforts pour appliquer cette chose. Les annas, si on a appris, mathalan, wahid, il fait des efforts pour apprendre une ibadah, une salat ou un siyam. Si tu as fait des efforts pour apprendre, normalement, c'est pour appliquer. Wa illa valimada. On ne doit pas faire comme certains, nahnu anahad din, ça devient que des informations, de la curiosité. Ou pour polémiquer, iyadam billah. Ou pour bloquer un tel. Ou pour se montrer, je connais plus que Foulain. Tu trouves, ils sont daïfs, ils amal. Pourquoi? Son but, c'est de se montrer. Enfin, il se montre. Une fois qu'il s'est montré, il n'a plus besoin, d'appliquer. Il ne se sent plus, plutôt. Il ne sent plus le besoin d'appliquer. Son but, il l'a fait. Nous, là, هذا العلم c'est من أنفع العبادات. فمن تعلم شيئا يحرص على التطبيق. التطبيق c'est appliquer. Chacun selon ses capacités. Et on a tous des faiblesses. Lakin, si tu as une faiblesse un jour, enfin le lendemain, tu te reprends. Et tout ça, c'est lié à un point essentiel, husn an-niyya, la bonne intention. فلهذا كثير من العلماء. Dans leur livre, ils commencent par hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comme le livre qu'on a étudié ensemble, walillahi alhamd, Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya, l'imam al-Nawawi rahimahullah, il a commencé par هذا الحديث. Il y en a celui qui a une bonne niya. Si on prend notre exemple fil ilm, fa niya fil ilm, ça doit être awwalan raf al-jahl an-nafsi. Son intention, c'est qu'il ne soit plus ignorant. Il veut comprendre et il veut connaître son dîn. كذلك من حسن النية c'est العمل. Pourquoi il veut apprendre? Pour appliquer. كذلك montrer aux autres. Les annas, ça le rend triste de voir كثير من المسلمين sont à la jahl. La sania c'est d'apprendre pour appliquer lui-même et pour montrer à ses frères musulmans, pour les aider. هذه c'est النية طيبة. C'est pour ça que la base c'est النية. Et la base c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs à l'aqida. Il y en a celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, sa niya sera qawiyya. Il sait en Allah, il le voit. Il sait en Allah, il l'entend. Il sait en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Falimada ya'mal pour un autre. Qu'est-ce qui va te donner cet autre? Foulan, il sait que tu as appris tel livre par cœur, le Coran ou tel livre de hadith. Il le sait. Et après, qu'est-ce qui va te donner? Il ne va rien te donner. Ben, si tu l'as fait que pour lui, il ne va rien te donner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te récompense pas. Ce n'était pas pour lui, Azza wa Jal. Mais si tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il sait. Et c'est Allah qui te récompensera. Et même si un tel ne sait pas, alhamdulillah. Aslan, ce n'est pas pour lui, al-amal. Qala Cheikh Abdul Salam. Yaqul Abu Abdurrahman. Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah. Haddathuna alladhina kanu يقرئوننا أو يقرئوننا القرآن يعني الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستقرئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا هكذا إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دي versets إذا prenez par cœur ثم il les applique. Thumma il passe aux 10 suivants. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Al-Qur'an ou al-amal, jami'an, les deux. C'est pour ça que tu trouvais leur mujtama' à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de contradiction avec le Qur'an, les préceptes du Qur'an al-Karim, et l'endroit où ils vivaient. Ça ne se contredisait pas. Les anahum, ils étaient à la ilm, ils appliquaient. De nos jours, c'est pas pareil. Tu trouves foulan ici une chose, somma tu trouves sa mu'amala, c'est l'inverse. Pourquoi? Imma, c'est un ignorant. Il a ni ilm ni amal. Imma, il a du ilm dans ce point. Lakin, Allah alam, l'intention, il y a quelque chose. Il y en a, son but, c'est pas d'appliquer. Et tu le vois dans sa mu'amala. Enfin, sunni, il fait tout pour s'écarter de cette chose. Vaut mieux connaître un peu et appliquer que beaucoup et ne pas appliquer. Et nous, incha'Allah ta'ala, on fait des efforts pour connaître le plus possible et appliquer le plus possible. Qala, fahadha huwa manhaj as-salaf, rahmatullah alayhim ajma'in. يقرنون العلم بالعمل صافي انصمبل حتى بعض العلماء منهم الخطيب رحمة الله عليه إلى يكخي من رسالة في هذا اقتضاء العلم العمل أي سكسوي العلم سي العمل صافي انصمبل ils sont indissociables ces deux choses علم وعمل قال لأن العمل بالعلم لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب في قوله في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون c'est très grave عند الله de dire une chose et de ne pas l'appliquer connaître une chose et ne pas l'appliquer كبر مقتا عند الله C'est très très grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est كل شيء عليم. قال ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذي كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين من صفات اليهود اليهود ils avaient des connaissances لكن لا يعملون الله سبحانه وتعالى il les a comparé مثل الذين حملوا التوراة أي ceux qui connaissent la Torah من اليهود التوراة c'est la Torah le livre qui est descendu sur موسى عليه الصلاة والسلام ثم لم يحملوها أي ils connaissent لكن ils appliquent pas كمثل الحمار يحمل أسفارا الأسفار هنا c'est le كتب c'est comme un âne qui transporte des livres ماذا سيستفيد un âne qui porte des livres ما يستفيد شيء pourtant il a un خير عظيم sur le dos لكن il ne profite pas هكذا celui qui apprend لكن il n'applique pas il transporte du خير لكن ça lui est d'aucune utilité أما l'âne il a été créé pour هذا s'il transporte des livres ou autres Il n'aura pas de compte à rendre sur ça. Amma al-ins wal-jin, Allah il les a créés pour l'ibadah, et l'ibadah est fondée sur l'ilm. Celui qui connaît et qui n'applique pas, il aura des comptes à rendre. Qala wa fil amal bil-ilm al-wusul ila al-ghaya al-mashhuda bi-talab bil-ilm. Wa lidhalik qala al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, la yazal al-alim jahilan bima alim hatta ya'mal bih, fa'idha amila bih kana aliman. رحمة الله عليه قال أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل Et ce livre il l'a حقق الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه C'est une رسالة طيبة لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به Tant que l'insan il applique pas ce qu'il a appris ça reste un ignorant, un jahil même s'il connaît beaucoup Même s'il a appris par cœur, s'il n'applique pas, ça reste un ignorant. لماذا؟ لأن ثمرة العلم c'est العمل. ثمرة العلم c'est العمل. Le fruit c'est العمل. S'il n'y a pas le fruit, la chose qu'il a ne lui sert à rien. Ça reste un ignorant. قال فإذا عمل به كان عالما. S'il applique, ça devient عالم. فالعالم عند السلف c'est celui qui avait des connaissances et qui appliquait. Avoir des connaissances et ne pas appliquer, fa'indahum, il n'y avait aucune fa'ida. Belle, c'est une ressemblance aux juifs. Comme a dit Sufyan ibn Uyayna, rahmatullah alayhi, man tashabbaha, ou man fassada min ulama'ina, fa fihi shabahun bil yahoud. Si un de nos savants, il s'égare et il n'applique plus, fa'il a une ressemblance bil yahoud. Ils avaient des connaissances et ils n'appliquaient pas. Fa'l hadar min hada. كذلك on fait attention à l'amal bila ilm. هذا فيه شبه بالنصارى كما قال سفيان رحمة الله عليه. Appliquer sans ilm. بعض الناس ils aiment appliquer et ils sont motivés et ils sont sincères, lakin ils n'ont pas d'ilm. Et ils se précipitent. Enfin, ils inventent des salawat, ils inventent des athkar, ils inventent des a'yad. خرافات وبدع. بعضهم s'est fondé sur des rêves, بعضهم s'est fondé sur un tel il a dit, mon pays ils ont fait. هذا كذلك c'est مذموم. Le juste milieu, علم وعمل, sans exagérer. On sait une chose, on l'applique. On ne sait pas, on demande. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وفي العمل بالعلم الوصول قرأنا فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه وتحث الناس على الانشغال به. الدعوة السلفية. الدعوة السلفية elle donne beaucoup d'importance au ilm. Alors ça implique que Salafi donne beaucoup d'importance au ilm. Salafiya, c'est pas une étiquette. C'est pas je m'habille de telle façon et je suis un Salafi. Salafi, c'est une aqida, c'est un manhaj. C'est fondé sur l'ilm. C'est pas fondé sur une couleur ou un endroit où je suis un tel là. Salafiya, c'est fondé sur l'ilm, ilm kitabillah, wa ilm sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qala fa inna al-inshighal bil-amal anfa' min al-inshighal bima la fa'idata fihi min kalam al-mubah wa nahw dhalik. Na'am, ala shak, anna celui qui est occupé par l'amal. Et l'insan, on répète, et on l'a déjà cité hada à nos frères, anna afdal wa ahabbu l'amal ila Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amal qui est régulier, adwamuh, bien sûr avec ikhlas. Salafi, كذلك, il doit avoir un programme fil ibad. Al-fara'id, ça c'est obligatoire pour tout le monde. Et كذلك, شيء من النوافل. من وفقه الله سبحانه وتعالى, il jeûne de temps en temps, 3 jours par mois, le lundi et jeudi, mastata. Et être régulier. On fait attention à, احيانا on écoute un dars ou une muhadara. Alors une khutbah, on est motivé, on fait certaines choses, thumma, on arrête. Vaut mieux faire un peu akhil karim et soit régulier. Al-qalil ma'al mudawama, c'est un fait, avec ikhlas. Chacun selon ses capacités. Mathalan, si le jeûne ça te fatigue, tu ne peux pas lundi et jeudi, akhil karim, 3 jours par mois, c'est ça. Et celui qui jeûne 3 jours par mois, c'est comme s'il avait jeûné le mois complet. Lianna al-hassana, ça équivaut à 10. Si tu jeûnes 3 jours, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours, indallah. Et si tu jeûnes 3 jours par mois, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Et si tu jeûnes toute l'année, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie. Fatalqa Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ajr, tu as jeûné tout le temps. C'est une ni'ma azima, 3 jours par mois. Kam minna on est ghafil an hada. Surtout fi ayyam ash-shita. Surtout cette période qu'on vit l'an. L'hiver, le froid, le soleil se couche tôt. Ah, là, c'est un taqsir, même si c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, là, qui ne pense pas comme certains. Bard al-awam, ta'alamoun, quand tu lui dis une chose, il dit, mais c'est une sunnah. On ne doit pas penser à ça. Là, pense au ajr. Au contraire, c'est une sunnah, il y a beaucoup d'ajr. Enfin, inshallah, je suis le premier. À ça, on pense. Mais on sait que c'est une sunnah. Là, est-ce qu'on fait que les sunnahs? Ou, est-ce qu'on fait que le wajibat? Là. Enfin, à la kulli hal, faire des efforts fi al-ibada, fi al-ikhlas, et kadhalik al-mudawama, la régularité. Amma, faire du amal thumma arrêter, là, al-afdal, c'est d'être régulier. Qala falaw anna shababana, waffaqahum Allah ta'ala, qamu bihada al-asl, haqq al-qiyam, la salimu min al-wuku' fi kathir min al-umur, allati laysat min khasa'ifsihim. Tastavid anna celui qui tombe dans une fitna, que ce soit fitnat al-dunya, que ce soit fitnat ahl al-ahwa, c'est un taqsir fil ibada. Lianna hada al-qalb, si tu ne l'occupes pas avec le haqq, il s'occupera avec le batil. La bud. Surtout l'époque où on vit. Shubah kathir, fitan kathira. Si tu t'occupes pas avec le haqq, tu seras occupé par autre chose. Et t'as qu'un cœur. Et ce cœur, c'est comme un récipient. Remplis-le bil khayr. Quand il est rempli bil khayr, il n'y a plus de place pour le batil. Il se lève, walillahi alhamd, ilm. Thomas, s'il a un travail, s'il a des occupations, il le fait. Il fait cette occupation. Alhamdulillah, il a une partie de son temps pour le Coran al-Karim. Il médite. Il a une partie de son temps pour ad-dars. S'il a des doros avec un mudaris, alhamdoulilah, ou des audios. Thumma, il a un temps s'il a une question, un ishkal. Thumma, il a un temps avec sa famille. Thumma, il a un temps pour ses proches. Il a un temps pour l'ibada. Il a un temps pour se reposer. Hakada. Amma wahid islam, un jour il fait cette chose, un jour il fait pas. Fitan, fulan, il a dit. Wahakada. Il n'avancera pas. Thumma, ça devient une proie. Première fitna, elle le prend. Si c'est pas celle-là, c'est une prochaine. Ayyadam billah. قال والتي الاشتغال بها مضيعة للوقت كالاشتغال بتتبع السياسات وكالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك. À l'époque, إلى يومنا هذا, il y avait beaucoup de fitan sur ce sujet, السياسة, la politique. Que ça soit fitna حرب الخليج, quand il y a eu la guerre du Golfe, ou autre, il y avait beaucoup de fitan. Shabun, il ne connaît pas grand chose de son dîn. Il a du mal à faire certaines obligations. Il rentre dans des choses qui ne le regardent pas, la politique. Ils vont faire, ils ont fait, j'ai entendu. Alors que c'est une chose qui ne le regarde pas. En tant que sunni, et c'est important, on doit apprendre à rester à notre place. Ce n'est pas tous les sujets où tout le monde parle. Il y a des sujets, c'est khas pour Ahlul Ilm et pour Ulat al-Umur. Des choses de la politique qui concerne le pays, que ce soit des guerres, que ce soit des choses. Aslam, comment on va parler? On ne connaît pas. Il y a des assises privées, il y a des coups de téléphone, il y a des pressions à droite, à gauche. Wahid, il vient de la rue et il parle. C'est pas min al-hikma. Et c'est ça qui fait les fitan. Qala al-allam, al-sheikh Mohamed Amal. C'est une faïda que vous n'avez pas dans le livre, on lit d'un autre masdar. قال رحمة الله عليه أي الشيخ محمد أمان الجامي في شرح قرة عيون الموحدين مما يخفف عليك ما تعاني أي من الفتن الاشتغال بالعبادة وعدم الخوض في السياسة الحاضرة. Tu veux t'écarter des fitan et tu veux te reposer. Ne rentre pas dans des choses que tu maîtrises pas, surtout la politique. Ça va te rendre malade. Annahum, ils ont fait, annahum, ils vont faire, annahum, ça va te rendre malade et ça va t'écarter de l'ibada. Et rabbama, iyadam billah, à cause de ça, certains, ils sont tombés fi madhab al-khawarij. Des choses qu'ils ne maîtrisent plus, à la fin, ils ne patientent pas, ils accusent le gouverneur. Mais pourquoi il fait, mais pourquoi il ne fait pas? Et hada, ça ne fait pas partie de notre manhaj. Nahnu wallahi alhamd, on a un gouverneur, tu veux l'aider, fais du'a pour lui. Amma, tu parles avec un frère ou plusieurs et personne ne vous écoute, il n'y a aucune faïda. Wallahi, ça fait du mal. Mais ceux qui parlent depuis l'époque que Cheikh Abdeslam a écrit cette risale, une vingtaine d'années, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Ils se fatiguent. Est-ce qu'ils ont avancé dans l'ilm et l'ibada? Abadan. Il y en a, celui qui s'occupe avec la politique ou les fitan, il ne pourra pas s'occuper avec l'ibada. Là, ça lui prendra tout son temps. L'insan, ta'lamoun, il a sa journée, c'est 24 heures comme tout le monde. Si ces 24 heures ne sont pas occupées fil khair, elles partiront fil baftel. Wa qala al imam al sheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani rahmatullah alayhi nasihati. Écoutez ce conseil de cet imam. Il a vécu ces épreuves et il a conseillé beaucoup. Nasihati an tastamiru bid-da'wa wa an tabtadi' wa an tabta'idu 'an as-siyasa fa dhalika khairun wa abqa. Conseil de Cheikh Al-Albani, faites des efforts fi da'wa. Comme min al-nas l'an, ils adorent autre qu'Allah. Comme min al-nas, ils ne savent pas faire salat. Comme min al-nas, ils ont des faiblesses. Nos proches ou autres, on va les délaisser, on va les parler dans tel pays. Ils ont fait la guerre dans tel pays et on perd notre temps. Faites du'a, c'est des musulmans, faites du'a pour eux. Et chacun de nous, il fait des efforts fi l'ilm et fi da'wa. C'est comme ça que le khayr va se propager. Amma l'an, vous avez remarqué que même l'awam, ils parlent de politique. Belle. Ça leur prend beaucoup de temps. Enfin, on n'a pas le droit de rentrer dans ce système. Ils parlent bila ilm, on leur reproche. Nous-mêmes, on fait la même chose. Qala, Cheikh Abd Salam, qala fa hadhihi al-umur wa amthaluha laysat ila talib al-ilm. Ce point, il est important. On ne parle pas dans tout. Apprenez-vous à hada. Apprenez-vous à appliquer hada. Talib ilm, on est des débutants. On vient de commencer, on essaye petit à petit. On ne rentre pas dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Awalan, personne ne nous écoute. Et thanian, on ne comprend pas. On n'a pas les clés pour s'exprimer via hada. Fali, ma'ada perdre son temps. Commence par le début, akhil kari. Qala, وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر أو من ينيبونه ولما اقتحمها فئام من الشباب أي طائفة من الشباب أي quand certains jeunes sont rentrés في هذا ils ont commencé à parler de politique parler sur les gouverneurs alors qu'ils n'étaient pas à la ilm ils sont rentrés dans une chose qu'ils ne maîtrisaient pas قال ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها elle est là la gravité أي de se mettre à une place qui n'est pas la nôtre tu feras du mal à toi et aux autres قال كان جهلهم وظهر انحرافهم وخرج بلدهم في هذه القضايا لأنهم إنما يتعمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله ويبنون أحكامهم عليها. Ce point est important كذلك tes sources, أخي الكريم. هؤلاء certains jeunes quand ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas, si on reste dans le domaine de la politique, alors que c'est une chose qui est réservée aux gouverneurs, aux responsables, aux savants. Les Shabab, ils sont rentrés via là, vu qu'ils n'ont aucune information. Les Anna, c'est des assises privées. Mais on ne sait pas ce qui se dit. C'est des affaires qui sont réservées aux gouverneurs, aux savants, aux responsables. Les Shabab, ils sont rentrés dans ça, ils prenaient leurs informations, mais la Sohuf, Al-Jara, et des journaux. Aujourd'hui, Internet. Qu'est-ce qui s'est passé des fitans? Al-Musiban a ces informations. La plupart, c'est des informations de kafara. L'actualité, les journaux, les informations. Dans tel pays, ils vont faire. Dans tel pays, tel gouverneur, il a dit. 90% c'est du kadib. Et le reste, c'est des choses, il faut les comprendre, il faut voir comment ça a été dit. Il a akhir. Et que ça soit cité dans un contexte. Amma wallahi, la plupart, c'est du mensonge. Pour égarer Nas. Tu trouves Shabun. Il est à la sunnah, lakin il suit hala. Une information, il la propage. Des fois, c'est sur les gouverneurs. Des fois, c'est sur un bled musulman. Des sondages, il a arrêté. Le but, c'est attan. Critiquer ce gouverneur, critiquer ce bled, tu le trouves, il propage. Ils ont dit. Sunni, il a des principes. Annahu la yaqbal al-khabar illa min thiqa. Hakada, ils étaient le muhaddithoun. Une information, on n'a pas le droit de l'accepter, sauf si c'est un thiqa. Ce journal que tu lis, ou ces infos qu'on lit, les réseaux sociaux, internet, ça vient d'où? Ta'lamouna min al-muhaddithin, comment ils nous ont, alhamdoulilah, propagé tous ces ahadiths et l'akhiri? Avec l'isnad. Hatta qala ba'du salaf, laoula l'isnad, la qala man sha'a ma sha'a. Il n'y aurait pas l'isnad, tout le monde aurait dit ce qu'il veut. Et comment ils ont perdu leur dîn, al-Nasara? Les chrétiens, pourquoi ils ont perdu leur dîn? Ils n'avaient pas l'isnad. Chaque génération, ils rajoutaient et rajoutaient, jusqu'à l'un, ils n'ont plus de dîn. Nahnou la. Les ulama, ils ont insisté, la chaîne de transmission, celui qui cite une information, la chaîne de transmission, c'est sahih hamla. Il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission, c'est pas accepté. Une personne de confiance, c'est pas accepté. Al-an, des fois, on a des informations sur un pays entier. Surtout, vous avez remarqué, yurakizun ala al-mamlakati al-arabiyati al-saoudiya. Tu trouves des informations, al-an, sur l'Arabie Saoudite. Anna, le roi, il a fait, anna, hum, ils ont fait. Du kadib, tu demandes pas un isnal, tu demandes d'où ça vient. Il ne pourra pas te répondre. C'est les infos. Tu fais confiance aux infos. Si c'est des kafaras, enfin c'est des kafaras. Si c'est des musulmans, on doit savoir c'est qui. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est des personnes de confiance? قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. C'est un fasiq, on ne parle pas de kafir. Un fasiq, un musulman, il vient avec une information, فتبينوا. Fais attention, regarde. Est-ce que c'est vrai, amla? Les réseaux sociaux, des messages, des articles. Personne ne sait d'où ça vient. Robama c'est un Yahoudi, Robama c'est un Zindiq, un Ravri. Ils propagent Hada que pour diviser les musulmans. Et tu trouves, on ne parle pas, nous, le Juhal, l'Awam, le Sakin, ils ne savent pas. Certains de nos frères sunnis, il a appelé, tu le trouves, ils propagent Mithla Hada. Qala al-Imam al-Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, man arada an yujalis al-Kadhabin. Celui qui veut s'asseoir avec des menteurs, فَلْيَقْرَ الصُّحُفُ. Lis les journaux. نَحْنُ الْأَنْ. On doit faire attention. Ce n'est pas toutes les informations qui sont haq. Et نَحْنُ répète نَصِيحَةَ الشَّيْخَيْنِ الشَّيْخَ الْجَامِي وَالْأَلْبَانِ. On s'écarte de هذا. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il s'est passé, ils vont faire. On n'a pas besoin de هذا. Apprends ton din et كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et tout le monde mourra. Il y aura un jour des comptes. Tout le monde rendra des comptes. Estarih. fais tout pour arriver yawm al-qiyamah et t'es ala al-haq. Et tu réponds aux questions que Allah subhanahu wa ta'ala te pose. Amma, occuper son temps pour vouloir changer les choses, tu te fatigues. Change ton nefs. Change ta famille, change tes proches, fais des efforts. Amma al-ba'd, il laisse son nefs et sa famille et il rentre dans la politique, il veut changer les choses. Alors que personne ne l'écoute aslan. قال الشيخ عبد السلام كما هو الواقع في حرب الخليج فإن بعضهم يعتمد على مثل هذه القصاصات أو القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات que ça soit la radio, que ça soit des chaînes de télé, que ça soit des journaux, que ça soit internet de nos jours, ça doit pas être une source d'information pour les sunnis. Là, surtout ce qui est lié au gouverneur, ce qui est lié au pays musulman, ce qui est lié aux accusations, ihdhar. Ba'dhum, il lit un journal, c'est un kafir, un journal de kafir. Et tout ce qu'ils disent, ils yusaddiq, comme si c'était min al-wahy. Alors que c'est un ta'an fi wali amri, ou fi baladi. On doit donner aucune importance à hadha nahn. Mais ce qu'ils ont dit, khalas, c'est le haq. Qala, kama huwa al-waqi' fi harb al-khalid, fa inna ba'dhum i'tamada ala mitla hadhihi al-qussasat, wa ala mitla hadhihi al-idha'at, fa nakabu al-muslimin, wa atqalu fi qulubihim al-ru'b. وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. Ça fait la division, ça fait rentrer de la peur dans certains cœurs. Annahum, ils vont faire, annahum, ils ont décidé, annahum, annahum. Kathir, c'est du kadhib. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Azza wa jal. Et ça divise les rangs. قال وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. À l'époque, ils appelaient ça fiqh al-waqi'. Hakada al-mubtadi'a. Ils disaient à l'époque al-hizbiyoun, an al-ulama, ils ne connaissent pas fiqh al-waqi'. Aïe, l'actualité. Al-ulama, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans tel pays. Al-ulama, ils ne connaissent pas la politique actuelle. Hatta ta'anu fi a'immat al-asr. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mokbil, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen. Annahum, c'est des ulama haïd wa nifas. Ça, c'est des jeunes, ils étaient à l'estiqam. Ils sont rentrés dans ce système. À la fin, ils ont critiqué l'ulama. Annahum, ils connaissent que al-haydh wal-nifas. Est-ce qui est lié au monstrueux de la femme? Ils connaissent que ce qui est lié à zakat, à salah, amma, la politique, les affaires actuelles, ils ne connaissent pas. Iyadam billah. Ta'anu fihim. Wa ta'an fi ulama sunnah, c'est min alamat ahli al-bid'a. Critiquer les savants de la sunnah, c'est un signe de al-bid'a. Iyadam billah. قال ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى على العلم والعمل ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة إنجكين جنيغاسيون على هذا قيل وقال في الحقيقة أنوتخ إبوك سي أكثر لإبوك دو الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه أنس autour des années 90 90, début 2000, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, internet, c'était pas propagé. Malgré cela, ça a fait une génération. Ils étaient occupés par la politique, les fitnes. Dha'afun fil ilm. Ils étaient dha'if fil ilm. Aynahum l'an. Toute cette génération, qu'ils avaient la trentaine d'années dans les années 90, dans les années 2001, ils ont 50 ans ou akthar. Aynahum. Aynahum dans la da'wa, dans l'ilm, dans l'amal. Imma dunya, imma hiraf. Et ceux qui étaient occupés par هذا وانحرفوا عياذا بالله أينهم. Les fitnes, ça use. Alors, on fait attention. Et à notre époque كذلك, les fitnes, Fulan il a dit, Fulan il va faire, قيل وقال, toute la journée perd son temps. Apprends le Coran al-Karim, apprends le tafsir, apprends ton din. Et chaque chose a sa place. La mise en garde contre أهل البدع, ça fait partie de notre din. Lakin en revenant à أهل العلم, tu ne perds pas ton temps, qu'il wa qal ni qashat. Ba'dahum l'an, ils perdent leur temps dans les réseaux sociaux. Muna qashat ahl al-bid'a'i wal-ahwa. Est-ce que ça fait partie de manhaj al-salaf? Al-salaf, comme on va voir, aslan, ils ont interdit de se mélanger ahl al-bid'a'i. Pourquoi te polémiquer avec eux sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux montrer que tu connais? Ça ne fait pas partie de manhaj al-salaf salih. Tu veux le convaincre? Qui c'est qui t'a dit que tu allais le convaincre? Obama, c'est lui qui va te convaincre. Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Celui qui fait hadaf, l'aqiqa, on se pose la question, qu'est-ce qu'il gère? Il a chur. On s'écarte de tout ce système. Apprends ton digne. Dans le qabr, tu seras tout seul. Dans le qabr, dans la tombe, chacun de nous, il sera seul. on fait des efforts et on s'écarte de al-qil wal-qal. Cheikh Abd Salam, il a donné un exemple, hein, à son époque c'était une fitna, ils étaient occupés par la politique et la akhirah. Al-muhim, chaque chose qui nous occupe, qui nous écarte de l'ilm et l'ibada, c'est du char. C'est une fitna. Ça peut être dunya, ça peut être la polémique, ça peut être aimer se mettre en avant, ça peut être beaucoup de choses. On fait attention, on fait des efforts fait l'ilm, fait l'amal, faites des efforts fait l'hifz. Wallahi, celui qui est occupé par internet, par la polémique, par niqashat, il ne pourra pas apprendre les 40 nawawi. Et on le voit là. Shabab, on a beaucoup de jeunes là, lakin dha'fun fil ilm. Une petite mas'ala, elle divise tout le monde. Pourquoi? Il y a un dha'f fil ilm. Il y aurait quwa fil ilm. Et connaître ses usul, connaître son manhaj, revenir à ahl al ilm, une mas'ala, elle vient, alhamdulillah, la plupart des frères à la ilm. Imma elle est claire, elle n'est pas claire, personne parle, on revient à ahl al-ilm, une fatwa qui a la ilm, alhamdulillah, ça va tout seul. Une mas'ala, vous avez remarqué, tout le monde parle. Ça divise tout le monde. Dès que tout le monde est divisé, on revient à un tel, à un autre, il revient à un tel, et ça divise tout le monde. Et c'est ce qu'ils veulent, l'a'da. Croyez pas que l'a'da Allah, que ce soit al-kuffar, ou al-munafiqoun, ou al-zanadiqa, ou ahl al-bida, ils délaisseront ahl al-sunna, jamais, ils veulent les diviser. Ils font tout pour les diviser. On ne doit pas les aider. Et ils aiment bien un égard à la sunna avec les réseaux sociaux et internet. Des rumeurs et une information, tout le monde parle. On ne doit pas être hakada. Qala, rahmatullah alayhi. Fal wajib. Ou qabla hada, fa anta tara al-shabab fiqh al-waqi' la yaltazimun ahkam al-shur'a fi kathir min al-qadaya al-azima. Fal wajib ala shababina yattaqu Allah ta'ala fi anfusihim. وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. Chacun de nous doit appliquer هذا. Faire des efforts dans ce qui va nous profiter في الدين والدنيا. On a besoin de din bien sûr. بل الله nous a créé que pour ça. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك on a besoin de chercher certaines choses في الدنيا. هذا travaille, هذا il a besoin de certaines choses. On fait des efforts. Chaque chose à sa place. Et on perd pas notre temps. قال أما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه أي rentrer dans des choses que tu maîtrises pas. قال فهذا وباله كبير ويفوت أو يفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير. C'est quoi la cause? Il la résume en une phrase. Tu rentres dans une chose que tu maîtrises pas. Ne parle pas sans ilm. C'est pas tous les sujets tout le monde parle. On a cité l'exemple de la politique, l'exemple de al-jarh wa al-ta'dil, l'exemple des masa'il, des nawazil, des choses nouvelles. C'est le ulama qui parle. On fait attention, nous, de ne pas rentrer. Bardohum, est-ce les réseaux sociaux, c'est dangereux, les anna, c'est fondé sur hada. Les réseaux sociaux, une masa'la, et c'est ça leur système. C'est que je cite un sujet et tout le monde parle. C'est ça les réseaux sociaux. Amma, si personne parlerait, il n'y aurait pas les réseaux sociaux. الآن c'est هكذا. Un sujet, tout le monde علق. مصيبة الآن c'est في الدين. Tu trouves بعضهم, ils ont pas le niveau. Un sujet et tout le monde répond. Ah, moi je pense, l'autre dit, moi j'ai lu un autre. Et à la fin on a 50 messages, on sait plus. C'est quoi le حق? Et c'est qui qui a le حق? أما السني أولا, il est occupé par l'ilm, il n'a pas le temps de rentrer dans ces choses-là. S'il y a une mas'ala, j'ai pas besoin d'aller l'écrire dans les réseaux sociaux avec des ignorants comme moi là. J'applique la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Je demande à un savant, le savant me répond, alhamdulillah. Thumma, si tu t'aides avec ces réseaux pour propager l'ilm et tu sais comment le propager et tu propages, alhamdulillah, j'ai demandé à Cheikh un tel et tu cites la réponse avec dalil, nima, et tout le monde profite. Qala fa'ala al-shabab أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا. Celui qui veut le fawz في الدين والدنيا, qui veut réussir ici bas et dans l'au-delà, العلم والعمل. Et fais attention des choses qui peuvent t'écarter de ce علم et de العمل. Que Cheikh Abd Salam il a cité dans ce point. Et Inch'Allah il va approfondir dans d'autres fondements. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك